jamais les salauds qui crèvent. Pourquoi c'est jamais les salauds qui se chopent un cancer? Pourquoi c'est jamais les salauds qui sont dans la merde? Pourquoi c'est jamais les salauds qui se font écraser, qui sont à découvert? Jamais. Qui ont une vie de merde? Pourquoi c'est jamais les salauds qui crèvent? Jamais les salauds, oh, pourquoi? Jamais les salauds, oh, on va pas crever pour des cons, on va pas crever.